Job chapitre 13. Voici, mon œil a vu toutes ces choses, et mon oreille les a ouïes et entendues. Comme vous les savez, je les sais aussi, je ne vous suis pas inférieur. Mais je parlerai au Tout-Puissant, et je prendrai plaisir à dire mes raisons au Dieu fort. Et certes vous inventez des mensonges, vous êtes tous des médecins inutiles. Plus à Dieu que vous demeurassiez entièrement dans le silence, et cela vous serait réputé à sagesse. Écoutez donc maintenant mon raisonnement, et soyez attentifs à la défense de mes lèvres. Allégueriez-vous des choses injustes en faveur du Dieu fort, et diriez-vous quelque fausseté pour lui? Ferez-vous acception de sa personne, si vous plaidez la cause du Dieu fort? Vous en prendra-t-il bien, s'il vous sonde? Vous jouerez-vous de lui, comme on se joue d'un homme mortel? Certainement il vous censurera, si même en secret vous faites acception de personne. Sa majesté ne vous épouvantera tel point, et sa frayeur ne tombera tel point sur vous? Vos discours mémorables sont des sentences de cendres, et vos éminences sont des éminences debout. Taisez-vous devant moi, et que je parle, et m'arrive ce qui pourra. Pourquoi portais-je ma chair entre mes dents, et tiens-je mon âme entre mes mains? Voilà, qu'il me tue, je ne laisserai pas d'espérer en lui, et je défendrai ma conduite en sa présence. Et, qui plus est, il sera lui-même ma délivrance, mais l'hypocrite ne viendra point devant sa face. Écoutez attentivement mes discours, et prêtez l'oreille à ce que je vais vous déclarer. Voilà, aussitôt que j'aurai déduit par ordre mon droit, je sais que je serai justifié. Qui est-ce qui veut disputer contre moi? Car maintenant si je me tais, je mourrai. Seulement ne me fais point ces deux choses, et alors je ne me cacherai point devant ta face. Retire ta main de dessus moi, et que ta frayeur ne me trouble point. Puis appelle-moi, et je répondrai, ou bien je parlerai, et tu me répondras. Combien ai-je d'iniquité et de péché? Montre-moi mon crime et mon péché. Pourquoi caches-tu ta face, et me tiens-tu pour ton ennemi? Déploieras-tu tes forces contre une feuille que le vent emporte? Poursuivras-tu du chaume tout sec? Que tu donnes contre moi des arrêts d'amertume, et que tu me fasses porter la peine des péchés de ma jeunesse, et que tu mettes mes pieds au cèpe, et observes tous mes chemins, et que tu suives les traces de mes pieds? Car celui que tu poursuis de cette manière, s'en va par pièces comme du bois vermoulu, et comme une robe que la teigne a rongée.